dis-moi pourquoi tu louches. Ouais, tu parleras ouais. moins avec un Glock dans la bouche. Ouais. Glock dans la bouche. Glock, Glock, Glock, Glock dans je la bouche. Je sais pourquoi t'as peur, Renoir. C'est des grosses thunes que tu me dois. Ouais, ouais. En plus, t'es sur messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Mais messagerie depuis des mois. On vit en marche parmi le crack, le hash, on veut du gros cash. On prend le train en marche, on te met des grosses baffes. Aucune attache à part les bracelets en total paranoïa. J'ai rêvé de but de kilos de coke comme Madonna. Tout ça pour dire que le rap c'est mon domaine, man. J'ai les dents longues pour les risser comme un Doberman. Dis à la République qu'elle peut se mettre des doigts, hein. J'ai pour habitude le nom, respect des lois. J'ai demandé ma route au mur, il m'a dit d'aller tout droit. C'est un sale flic, parfois mes droits, clic, je le fous droit. Si un jour je devais égorger un porc, je mettrais des gants parisiennes. Molotov sont les cocktails, ceinture de feu parisienne. Tout le plaisir est pour moi quand ça défouraille sec. Quelquefois la victoire est fatale au vainqueur de la bataille, frère. Les désespérés n'ont pas de seconde chance, frérot. B2, tailleur uni comme l'otari face au requin blanc. Les cups nous aiment pas comme le pilon caché dans les chaussettes. Vraiment con ces chiens qui trouvent pas nichon dans un pipe show. Ok, c'est chose faite, mais j'ai le droit à mon coup de fil comme dans les films. Le pavé débarque, me sort d'ici et je m'arrache devant les villes. Si, ok, je trouve mon inspi dans ce que t'essayes de fuir. Ok, MC trop vrai pour que je me travestisse. Tire pas dans le gilet si tu souhaites pas que je me relève. Mes cicatrices me rappellent que mon passé n'est pas un rêve. Chaque fois qu'on passe devant ton bloc, dis-moi pourquoi tu louches. Ouais, tu parleras moins avec un Glock dans la bouche. Ouais, ouais. Glock dans la bouche. Glock, Glock, Glock, Glock dans je la bouche. Je sais pourquoi t'as peur, Renoir. C'est des grosses thunes que tu me dois. Ouais, ouais. En plus, t'es sur messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Mais messagerie depuis. Toute ma vie devant les buts, attendre la passe décisive. Menotté, démenotté, multirécidiviste. En interview sur scène, B2O toujours soigné. Les négros ont la haine, j'ai le prix d'une Clio sur le poignet. Si t'as l'espoir de me fâcher, de me clasher, Dieu te pardonne. J'ai un gros smith et Wesson, tout noir prêt à cracher. Tout le monde prend le micro, se prend pour Capone. J'te jure, sont juste arrachés quelques vieilles, brûler quelques voitures. Les rancunes ne meurent jamais, elles sont juste endormies. Je ramène le cauchemar des colonies pour du cash money. Ah ouais. Ils descendent casqués pour gazer la schémo. Fallait peut-être agir en brûlant le véhicule à Sarko. Mais rien à foutre, c'est le bled gay. Gros, pour ce cavou, guette la recette, go, scavoute sur la béquille. Traités comme des meurtriers, sans remise de peine. La seule chose qu'ils aient pu descendre, c'est peut-être mes poubelles. Chaque fois qu'on passe devant ton bloc, dis-moi pourquoi tu louches. Ouais, tu parleras moins avec un Glock dans la bouche. Ouais, ouais. Glock dans la bouche. Glock, glock, glock, glock dans je sais pourquoi t'as peur, Renoir. C'est des grosses thunes que tu me dois. Ouais, ouais. En plus t'es sur messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Messagerie depuis des mois. Ouais, ouais. Messagerie depuis des mois. Maintenant que t'as banane, me dis pas que tu banaves. T'es tricard sur tout Paname, mais tu crois te la faire peinard. Gros, j'ai rien d'un peinard. Chez nous tout est vénal. On se casse de la scène du crime. À dave sur un V-Max. Ouais, ouais. C'est bien du rap de sale nègre. Welcome to the jungle, QHS, notre planète. Boulet au pied, easy, je remonte la bande. J'en compte la street, c'est disciple, je rentre jack au top 50. Ouais, ouais. Oui, oui, si, si. Biatch. Tu parles à moi avec un glock dans la bouche. Glock, glock, glock, glock dans la bouche.